Notions générales. Récapitulons d'abord le plus rapidement possible quelques notions élémentaires qu'il est bon de remettre en mémoire. Les fourmis sont des hyménoptères, aculéates, fouisseurs, vivant en société. On en a décrit à ce jour 6000 espèces qui toutes ont leurs mœurs, leur caractère particulier. Il est du reste probable qu'on doublera ce nombre dans une classification moins routinière. Mais nous n'entrerons pas dans le maquis de ces classifications entomologistes en genre, sous-genre, espèce, race ou sous-espèce, variété, famille, sous-famille, section, tribu, sous-tribu, qui nous entraîneraient trop loin et n'ont du reste aucun intérêt. Contentons-nous, suivant Wheeler, de les diviser en 8 séries principales, savoir les Dorylinae, les Serapachinae, les Ponerinae, les Leptanilinae, les Pseudomyrminae, les Myrmicinae, les Dolichoderinae et les Formicinae. Les Myrmicinae et les Formicinae seuls sont cosmopolites. Toutes les autres sont tropicales ou subtropicales. Les ancêtres communes semblent être les Ponerinae. Au demeurant, ces nomenclatures, qui souvent, comme celles de Forel et d'Emery, sont beaucoup plus compliquées, n'intéressent que les techniciens de la myrmécologie. Les fourmis et les termites sont par excellence des insectes sociaux. Les abeilles, contrairement à ce qu'on croit, ne sont qu'exceptionnellement sociales. On compte en effet 10 000 espèces d'abeilles, dont 500 seulement vivent en société, au lieu qu'on ne trouve pas un seul termite ou une seule fourmi solitaire. Au rebours des termites confinés dans les pays chauds, les fourmis ont envahi à peu près toutes les parties habitables du globe, l'extrême nord et les grandes altitudes exceptées. Géologiquement, elles semblent postérieures aux termites dont les aïeux sont les blatoïdés, animaux encore solitaires appartenant au Crétacé, c'est-à-dire à l'ère secondaire, descendant eux-mêmes d'ancêtres d'ailleurs hypothétiques, les proto-blatoïdés, qui vivaient probablement dans le Permien, partie supérieure de la formation de l'ère primaire. Les fourmis sont les insectes les plus abondants dans les dépôts tertiaires. On en trouve dans l'Éocène, le plus ancien de ces dépôts. Elles y sont, il est vrai, assez rares. En revanche, le nombre des fourmis oligocènes et miocènes est considérable. 11 711 spécimens recueillis dans l'ambre de la Baltique ont été examinés, ainsi que des centaines d'autres trouvés dans l'ambre sicilien qui appartient au miocène moyen. Mais voici la constatation la plus déconcertante. Au rebours de ce qu'on attendait, on remarque que les fourmis les plus anciennes ne sont pas plus primitives que celles qu'on rencontre dans l'ambre fossile et que ces dernières, malgré les millions d'années qui les séparent, sont presque aussi spécialisées, aussi civilisées que nos formes présentes. Plusieurs d'entre elles, nous dit Wheeler, avaient appris à visiter les pucerons, étaient en conséquence trophobiotiques, comme le montre un bloc d'ambre de la collection de Königsberg, contenant un certain nombre d'ouvrières d'Iridomyrmex gepperli mélangées à un lot de pupilles pucerons. On peut difficilement douter que les fourmis de l'ambre eussent des myrmicophiles dans leur nid, puisque Klebs mentionne dans sa liste des coléoptères de l'ambre 3 sortes de possidés. Les possidés sont, avec les clavigères, les parasites les plus dangereux qui rendent hétéromanes les ouvrières des nids où ils élisent domicile. Or, l'élevage du bétail et l'entretien des parasites, surtout des coléoptères de luxe, marquent, comme nous le verrons, le point culminant de leur civilisation actuelle. Quelle conclusion ? De bien étrange, si l'on veut, par exemple, que l'évolution est moins prouvée, moins certaine qu'on ne l'affirme, que le progrès n'est qu'une illusion, que toutes les espèces, avec leurs divers degrés de civilisation, datent du même moment et furent, comme le dit la Bible, créées le même jour, que par conséquent la tradition est plus près de la vérité que la science. Remarquons en passant que l'universelle dissémination des termites et des fourmis que l'on rencontre sur toutes les terres des nouveaux comme des anciens mondes nous rapproche également d'une autre tradition, plus ou moins secrète et antérieure à la Bible, qui prétend que toute civilisation descend des régions boréales et nous parle du pont antarctique, aussi chaud que l'équateur, par lequel communiquaient tous les continents. Mais sans rien hasarder, sans aller si loin, on peut très raisonnablement soutenir que notre insecte est prodigieusement plus ancien que les plus anciens spécimens géologiques. Il faudrait remonter beaucoup plus haut, jusqu'à des centaines, voire des milliers de millions d'années, dans l'effroi du temps, jusqu'au pré-crétacé, jusqu'à la fin du Permien, qui se caractérise par une température élevée et une grande aridité. Mais à partir du Mésozoïque, dans l'ère secondaire, les fossiles font défaut. On pourrait encore soutenir que toute évolution est des milliers de fois plus lente que nous ne l'imaginons, si incroyablement lente qu'elle arrivera trop tard et qu'avant d'atteindre son but, en admettant que quelque chose puisse avoir un but, notre Terre aura vraisemblablement disparu. Néanmoins, selon quelques myrmécologues, notamment selon Wheeler, on découvre une évolution très plausible, dont on suit les traces d'espèce en espèce. D'après eux, les fourmis, poussées par diverses circonstances, auraient passé de la vie terricole, qui était leur vie primitive, à la vie arboricole, et du régime entomophage, où elles étaient avant tout prédatrices et ne se nourrissaient que de la chair d'autres insectes, au régime aphidicole, c'est-à-dire pastoral, et ensuite fongicole, c'est-à-dire agricole et végétarien. Cette évolution, qui d'ailleurs n'est pas irréfutablement établie, et dont toutes les étapes coexistent aujourd'hui, ressemblerait étrangement à celle de l'homme, successivement chasseur, pasteur et agriculteur. On y retrouverait également les trois stades de l'histoire humaine reconnus par Auguste Comte, à savoir la conquête, la défense et l'industrie. Il y a là, assurément, de curieuses coïncidences. La population de la fourmilière se compose de reines ou femelles fécondées qui vivent une douzaine d'années, d'innombrables légions d'ouvriers ou ouvrières sans sexe qui, moins surmenées que les abeilles, vivent 3 ou 4 ans et de quelques centaines de mâles qui disparaissent au bout de 5 ou 6 semaines, car dans le monde des insectes, le mâle est presque toujours sacrifié. Les femelles et les mâles seuls possèdent des ailes que, du reste, ils s'arrachent après le vol nuptial. Il n'y a pas, comme chez les abeilles et les termites, une reine ou mère unique, mais autant de pondeuses que le juge nécessaire, le conseil secret, qui préside aux destinées de la République myrmicéenne. Dans les petites fourmilières, on en compte 2 ou 3, dans les grandes, 50, et dans les nids confédérés, leur nombre est indéterminé. Nous retrouvons ici le grand problème de la ruche et de la termitière. Qui règne et qui gouverne dans la cité? Où se cache la tête ou l'esprit? D'où émanent des ordres qui ne sont jamais discutés? Le concert est aussi indubitable, aussi admirable que dans les autres groupes, et doit être plus difficile car la vie des fourmis est en général beaucoup plus complexe, plus imprévue et plus aventureuse. En attendant mieux, l'explication la plus admissible est peut-être celle que je propose dans la vie des termites, à savoir que la fourmilière devrait être considérée comme un individu, dont les cellules, au rebours de celles de notre corps, qui en compte environ 60 trillions, ne seraient plus agglomérées mais dissociées, disséminées, extériorisées, tout en restant soumises, malgré leur apparente indépendance, à la même loi centrale. Il est également possible qu'on y découvre quelque jour tout un réseau de relations électromagnétiques, éthériques ou psychiques dont nous n'avons jusqu'ici qu'une très vague idée. Du reste, à examiner les choses de plus près, bien qu'enfermées dans notre corps, nos 60 trillions de cellules sont relativement aussi disséminées que les milliers d'abeilles, de termites ou de fourmis hors de leur demeure. Les distances entre chacune de nos cellules sont proportionnées à leur taille, ou du moins à la taille des électrons qui en forment l'âme, et ces distances doivent être comparativement aussi grandes que celles qui séparent les astres dans les deux, car l'infiniment petit équivaut à l'infiniment grand. Si le corps humain, dit fort justement Wheeler, pouvait être comprimé jusqu'à ce que tous ces électrons fussent en contact les uns avec les autres, il aurait un volume n'excédant pas quelques millimètres cubes. Cette compression ou cette densité n'est pas impossible, puisque la nature l'a réalisée dans certaines étoiles appelées naines blanches, notamment dans le mystérieux satellite de Sirius, où 1 litre d'eau, si l'eau pouvait y demeurer liquide, pèserait 50 000 kilogrammes. S'il en est ainsi, nous nous expliquerons plus facilement pourquoi, comme nous le verrons plus loin, dans une énorme colonie à nids confédérés, les ouvrières savent, ou plutôt sentent, avec une précision qui nous émerveille, le nombre de femelles fécondées qui sont indispensables. Quand nous avons faim et soif, il se passe dans notre immense confédération de cellules un phénomène analogue. Il y règne une faim et une soif collectives. Toutes nos cellules l'éprouvent en même temps et ordonnent à celles qui agissent au dehors de faire le nécessaire pour que la faim et la soif générale soient satisfaites. De même qu'elles leur commandent de cesser le travail dès qu'elles sont apaisées. On voit que la comparaison est moins téméraire qu'on ne croit. Nous ne sommes qu'un être collectif, une colonie de cellules sociales. Mais nous ne savons pas du tout qui commande, dirige, réglemente et harmonise l'activité prodigieusement complexe et disséminée de notre vie organique, fondement d'une existence dont la vie consciente ou intellectuelle n'est qu'une manifestation accessoire, tardive, précaire et éphémère. Nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas notre propre secret qui semble nous crever les yeux. Dès lors, comment pourrions-nous espérer de percer le grand secret analogue qui se cache dans les colonies des insectes sociaux ? Il est donc probable qu'il y a d'abord une vie collective et unanime qui mène en masse ou en bloc la destinée de la fourmilière. Mais dans ce mouvement général qui emporte tout, se dessine une foule d'activités individuelles qui le secondent et peuvent même influer sur sa courbe. On y voit, comme dans notre histoire, une certaine liberté dans la fatalité. Afin de s'en rendre compte, il suffit d'observer leur travail. Nous y retrouverons tout de suite le tableau décrit par Huber, auquel il faut bien revenir, car, à quoi bon sur ce point, essayer de dire mieux qu'il n'a fait. C'est surtout lorsque les fourmis commencent quelque entreprise que l'on croirait voir une idée naître dans leur esprit et se réaliser par l'exécution. Ainsi, quand l'une d'elles découvre sur le nid deux brins d'herbe qui se croisent et peuvent favoriser la formation d'une loge ou quelques petites poutres qui en dessinent les angles et les côtés, on la voit examiner les parties de cet ensemble, puis placer, avec beaucoup de suite et d'adresse, des parcelles de terre dans les vides et le long des tiges, prendre de toutes parts les matériaux à sa convenance, quelquefois même sans ménager l'ouvrage que d'autres ont ébauché, tant elle est dominée par l'idée qu'elle a conçue et qu'elle suit sans distraction. Elle va, vient, retourne, jusqu'à ce que son plan soit devenu sensible pour d'autres fourmis. Dans une autre partie de la fourmilière, plusieurs brins de paille semblaient placés exprès pour faire la charpente du toit d'une grande case. Une ouvrière saisit l'avantage de cette disposition. Ces fragments, couchés horizontalement à demi-pouce du terrain, formoient, en se croisant, un parallélogramme allongé. L'industrieux insecte plaça d'abord de la terre dans tous les angles de cette charpente et le long des petites poutres dont elle est toit composée. La même ouvrière établit ensuite plusieurs rangées de ces matériaux les unes contre les autres, en sorte que le toit de cette case commençoit à être très distinct. Lorsque, ayant aperçu la possibilité de profiter d'une autre plante pour appuyer un mur vertical, elle en plaça de même les fondements. D'autres fourmis étant alors survenues, elles achevèrent en commun les ouvrages que la première avait commencés. Nous avons tous observé des scènes analogues à propos d'un brin d'herbe à transporter, d'un insecte à dépecer et à introduire dans le nid trop étroit, d'une flaque à traverser, etc. Elles se reproduisent dans toutes les circonstances graves ou anormales, du moins dans toutes celles que nous pouvons apercevoir et comprendre et qui sont naturellement assez rares au prix de celles qui nous échappent complètement. Une idée n'est adoptée que lorsqu'elle paraît bonne. Il n'y a pas d'entente préétablie, concert inné, mais appréciation et jugement sur place et à pied d'œuvre, comme chez des hommes qui n'auraient que le plan général d'une maison à construire. Le spectacle est encore plus frappant quand il s'agit de prendre une décision dont peut dépendre l'avenir de la colonie, notamment en cas d'émigration et d'abandon du nid, surtout dans les nids mixtes, c'est-à-dire formés de maîtres et d'esclaves ou d'auxiliaires de deux races différentes dont l'intelligence et les habitudes ne sont pas pareilles. Les glébarias, qui sont les ménagères des Amazones, par exemple, trouvent que la maison devient insuffisante, car mieux que leurs seigneurs qu'elles soignent et nourrissent et qui ne sortent de leur apathie que pour partir en guerre, elles en connaissent tous les inconvénients. Une de ces servantes maîtresses, en ses incessantes explorations, découvre dans le voisinage une vaste fourmilière abandonnée, qu'elle juge plus confortable ou mieux située que la sienne. À coups d'antenne, elle en fait part à deux ou trois de ses sœurs, les entraîne presque de force au nid préférable et leur en démontre les avantages. Elles se laissent convaincre, à leur tour recrutent des prosélytes et bientôt, par une minorité peut-être, mais par une minorité remante que renforce l'attrait du nouveau, l'émigration est décidée. Il s'agit alors de déménager les guerriers. Les consulte-t-on ? Il est peu probable. En tout cas, chaque esclave saisit un de ses maîtres, le porte au nouveau domicile, l'y dépose à l'entrée, où il est accueilli par d'autres esclaves qui le guident dans les souterrains. Après quoi, on s'occupe de la translation des œufs, des larves et des nymphes. Parfois, il y a du tirage. Une partie de la colonie refuse de suivre le mouvement, parfois même les émigrés regrettent le nid primitif et y reviennent en masse. Ces faits ne sont nullement imaginaires ou trop humanisés. Ils ont été bien des fois constatés, et qui veut s'en donner la peine est à même de les contrôler. Ils montrent que la part du concert mystérieux ou de l'entente innée peut être restreinte. Cette entente se manifeste surtout dans la distribution de la besogne, dans l'évaluation du nombre de mâles et de femelles indispensables à la prospérité et dans quelques autres occasions capitales. Mais est-elle spontanée et purement instinctive ? Avouons que nous n'en savons rien. Nous n'avons pas assisté aux délibérations et ignorons presque tout ce qui se passe au profond de la fourmilière. Interpréter n'est pas toujours comprendre. Tout au plus, pouvons-nous constater que la fourmi semble parfois flotter, comme nous, entre l'instinct qui représente le destin et l'intelligence qui peut infléchir la ligne droite de celui-ci. Mais dès que l'intelligence paraît en ce monde, elle éveille des dangers et soulève des difficultés que ne connaissait pas l'instinct. En revanche, elle en écarte d'autres qu'il n'aurait pas évitées. La fourmi s'est engagée sur la même route que nous, c'est pourquoi elle connaît des erreurs et des périls humains. Elle est emportée, comme nous, par un sort inconnu, mais de même que nous peut s'agiter dans sa sphère close. Les agitations intérieures ont-elles modifié le cours de cette sphère ? Avant de savoir quelque chose sur ce point, comme sur la plupart des autres, il faudrait savoir trop de choses. Quel nom donner à cette forme d'entente et au gouvernement qui en résulte ? Laquelle de nos formules humaines lui serait approximativement applicable ? Est-ce une simple république de réflexes ? Mais une telle république pourrait-elle mener ailleurs qu'à la mort ? Est-ce, comme on l'a dernièrement appelé, une anarchie organisée ou une collectivité cumulative ? Qui nous dira ce que ces mots-là veulent dire ? Écartons la théocratie et la monarchie qui sont peu probables. Reste la démocratie, l'oligarchie. Et ce qui semble plus vraisemblable, l'aristocratie et la gérontocratie. Nous les voyons toujours, dans leurs travaux, imiter l'exemple de quelques ouvrières qui ont plus d'initiative que les autres. Rien ne les distingue de la foule. Elles n'ont pas d'uniforme ni de panache, mais il n'est pas douteux que leurs compagnes les reconnaissent et les écoutent volontiers. Sont-ce des vétérans, pleins d'expérience, ou de jeunes chefs, pleins de génie ? Leurs ordres sont plutôt des conseils, dont ils doivent souvent exposer les raisons et expliquer les avantages, et la persuasion l'emporte sur l'autorité. Sur le fond solide et stable de l'instinct général, on dirait le gouvernement provisoire de la meilleure idée. Ne perdons pas de vue que tout se passe ici sous le grand signe de l'unité et de l'amour, mais de l'amour vierge et désintéressé, dont nous n'aurons jamais la notion. Ce qui renforce et étend prodigieusement son empire. C'est ce que Hubert avait pressenti. Ainsi, nous dit-il, le grand secret de l'harmonie qu'on admire dans ces républiques n'est point un mécanisme aussi compliqué qu'on le suppose. C'est dans leur affection réciproque qu'il faut le chercher. Et cette affection réciproque, nous le verrons un peu plus loin, naît directement d'un organe tout à fait spécial, dont le fonctionnement commande toute la psychologie, toute la morale de la fourmilière. À la remarque de Hubert, Espinasse ajoute très justement « Je dirais plutôt qu'il faut chercher ce secret dans leur commune affection pour leurs larves, car, à côté de la fin, il faut indiquer le moyen, dans la faible dose d'intelligence individuelle dont jouissent les hyménoptères, multipliée par les lois d'imitation et d'accumulation que nous avons indiquées. » On peut en effet constater qu'en rebours de ce qui se passe dans les foules humaines, chez les insectes sociaux, l'intelligence collective et cumulative semble proportionnelle au nombre de cellules qui la composent. Car les espèces et les agglomérations les plus denses sont en général les plus entreprenantes, les plus ingénieuses, les plus civilisées. Quoi qu'il en soit, l'affection réciproque de Hubert et la commune affection pour les larves des spinasses côtoient de très près, me semble-t-il, la vérité. Nous avons ici la république idéale que nous ne connaîtrons jamais, la république des mères. Bien que vierges, toutes se sentent mères par délégation, plus profondément, plus passionnément que la génitrice. Cherchez partout dans la nature, vous n'y trouverez nulle part un amour maternel aussi magnifique. La poule défend ses poussins contre n'importe quoi, mais elle n'aime pas encore ses œufs. Arrachez l'abdomen à une ouvrière qui s'efforce de sauver un cocon, coupez-lui, si vous en avez l'odieux courage, les deux pattes de derrière, sans lâcher prise sur les quatre pieds qui lui restent et traînant ses entrailles, car sa vitalité est aussi prodigieuse que son amour. Elle poursuivra sa route et ne consentira à mourir que lorsque la larve ou la nymphe qui pour elle représente l'avenir sera mise en lieu sûr. Chacun donc, dans cet héroïque matriarcat, fait obstinément son devoir au profit de tous, comme si tous n'étaient que lui seul. Le centre de gravité de la conscience et du bonheur n'est pas le même que chez nous. Il n'est pas dans l'individu, mais partout où se meut une cellule du tout dont l'individu fait partie. Il en résulte un gouvernement qui est supérieur à tous ceux que l'homme pourra réaliser.